Bonsoir et bienvenue à Chérie m'écoute-tu sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Chérie commence aujourd'hui la programmation d'été. Et non, la formule ne changera pas. Bien sûr, on va encore une fois tout l'été être ensemble et écouter de très bonnes découvertes musicales. Donc, il s'agit toujours d'une émission musicale aux saveurs variées qui sera au rendez-vous tous les lundis de l'été de 18h à 19h pour le plaisir de vos oreilles. Je m'appelle Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h. À l'émission cette semaine, on part d'un bloc indie rock jusqu'au folk pop pour terminer avec de l'électro festif parce que, bien sûr, il faut se mettre dans l'ambiance de l'été. Et nous entendrons entre autres des couples célèbres comme Matt and Kim et Geneviève et Mathieu, si vous connaissez. Et on va entendre également des formations comme Malajub et The Knife. Et tout de suite, on va débuter en musique avec une formation anglaise d'indie rock, soit la formation de Last Shadow Puppets, qui est une formation d'indie rock, comme je le mentionnais. Et on va entendre ça tout de suite sur les ondes de C'est Fou, sur les ondes estivales, je devrais dire, car à compter d'aujourd'hui, c'est la programmation d'été qui est sur les ondes de C'est Fou, bien sûr. Et justement, tout de suite après l'émission, ce sera une nouvelle émission qui va me poursuivre, qui va me suivre ce soir. Donc, on écoute à l'instant de Last Shadow Puppets sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Goodbye. Life is my life. vient d'entendre la formation Matt and Kim qui ont fait un duo de dance punk de New York, je dirais qui font de la musique assez minimale. En fait, Matt qui est au clavier et Kim qui est à la batterie. Et si vous avez apprécié la pièce qu'on a entendue, je vous dirais que oui, ça peut ressembler à ça le reste de l'album, mais il y a des chansons qui sont plus entraînantes. Celle-là avec les chœurs à l'arrière, la voix de Kim, c'est un peu plus ambiant. Donc, cette pièce était Lessons Learned de leur deuxième album qui s'appelle Grand, comme le qualificatif, comme quand on dit à quelqu'un, tu es donc ben grand, ben c'est ça, grand. Et vous pouvez aller voir leur vidéo de ce clip-là sur le profil MySpace de l'émission Chérie Mikoutsu, qui est une vidéo assez surprenante. En fait, ils se dénudent dans le Times Square de New York et avec une fin plutôt inattendue. Donc, si je vous ai intrigué avec ces commentaires, vous pouvez aller voir la vidéo sur le www.myspace.com/ c'est fou, chérie, chérie sans accent. Et tout juste avant, on a entendu la formation Klaxons, qui est une formation rock, dance punk d'Angleterre, de leur premier album Myths of the Near Future, qui est en fait leur unique album à ce jour, et il est paru en 2007. Et la pièce qu'on a entendue, c'était Golden Skins. Et au début du bloc, nous avions le duo anglais, encore une fois, The Last Shadow Puppets, qui est... une pièce tirée de leur premier unique album, encore une fois. L'album se nomme The Age of the Understatement. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Calm Like You. Et en fait, c'est un duo formé du chanteur des Arctic Monkeys et du chanteur des Rascals. Les Rascals, qui sont une jeune formation qui a commencé en 2007. Arctic Monkeys, je pense que ça date de 2002, quelque chose comme ça. Puis, ils se sont rencontrés lors de tournées. En fait, les Rascals faisaient la première partie des Arctic Monkeys. Et les deux chanteurs ont eu une complicité musicale qui ont eu envie d'assouvir ensemble dans The Last Shadow Puppets. C'est si beau. Alors, c'est ce qui complète ce bloc indie rock. On va se diriger vers un bloc un peu plus ambiant, un peu plus tranquille, avec une formation, en fait, une chanteuse, en fait, trois chanteuses, auteurs, compositrices. La première, c'est une Suédoise du nom de Likely Lee, qu'on doit prononcer Luckily, pour ceux qui ont eu la chance déjà de me l'entendre prononcer dans des émissions antérieures. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Little Bit, et c'est tiré de son album Yacht Novels, qui est paru à la fin de 2008, et il s'agit de son premier album. Donc on entend ça sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. struck me by the head, 'cause I would give anything, anything to have you as my man. Come here, stay with me. Struck me by the head, 'cause I would give anything, anything to have you. C'était la pièce « Sous les projectiles » de Mara Tremblay, de son plus récent album, qui en fait le quatrième, qui s'intitule « Tu m'intimides ». Et Mara Tremblay, qui sera aux Haricots de Saint-Hyacinthe ce samedi. Alors, pour les intéressés, je vais vous envier, en fait, si vous y allez, parce que j'aimerais bien aller voir Mara Tremblay. Malheureusement, fin de semaine, je ne peux pas. Mais j'attends qu'elle passe à Trois-Rivières pour aller la voir. Car j'adore cet album, comme je l'ai déjà dit dans des émissions antérieures. Et tout juste avant, c'était Marie-Pierre Arthur de son album éponyme avec la pièce « Lâcher les armes ». Et elle sera à Montréal en spectacle au La Tulipe le 21 mai prochain également pour les intéressés. Un excellent album pop pour Marie-Pierre Arthur parce que oui, il y a de la bonne pop. Et au début du bloc, c'était l'auteur-compositrice-interprète suédoise d'indie pop électro Luckily, qui s'écrit « Likely ». De l'album Yacht Novels, qui est son premier album avec la pièce Little Bit. Cet album-là est paru à la fin de 2008. C'est un excellent album également si vous avez apprécié la pièce qu'on a entendue. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu jusqu'à 19h en compagnie de Sophie Laforêt. Et je vous rappelle également que vous pouvez consulter la liste des pièces qui jouent à l'émission ce soir sur le profil MySpace de Chérie m'écoute-tu, soit le www.myspace.com/cfouchérie. Et vous pouvez également joindre le groupe Facebook pour avoir toutes les nouvelles pour les émissions à venir et également de l'information sur les émissions spéciales. Et voilà. Ensuite, on va se diriger vers, en fait, une entrevue que j'ai fait la semaine dernière, soit jeudi. À la Chasse-Galerie, il y avait le groupe Trifluvien Valsalva qui se produisait. Moi, je les connaissais pas du tout. Donc, c'est un groupe qui fait de la musique assez festive, la musique reggae, pop, rock. Je pourrais qualifier ça comme ça, mais je sais qu'ils ont beaucoup d'influence de pays étrangers, de pays du Sud. Donc, j'ai posé, en fait, des questions à François Adams, qui est un des membres de cette formation. La première question que je lui ai posée, c'est de nous expliquer, en fait, ce que ça voulait dire Valsalva. Alors, voici sa réponse. Bien sûr, Valsalva, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre qui est médicale, qu'on peut utiliser aussi en plongée sous-marine ou dans, quand on est trop en altitude. C'est pour se débloquer les oreilles. C'est tout simplement, tu te pinces le nez, tu fermes la bouche et tu souffles. Ça débloque les oreilles. Des fois, ça débouche un peu. En fait, ça débloque l'oreille interne. Débloquer l'oreille interne, je trouvais ça intéressant comme concept. En même temps, Valsalva, ça fait ensoleillé, ça fait été. Puis, c'est un nom qui est intemporel un peu. Fait que, à quelque part, on est sûr que dans 30 ans, ben, ça ne serait pas démodé un peu. Parce que ce que François Adams me disait, c'est qu'ils ont l'intention de jouer encore dans 30 ans. Alors effectivement, ça sera pas un nom démodé. Et ensuite, ce que je leur ai posé comme question, ce que je lui ai posé, c'est de nous définir un peu, nous expliquer la bio du groupe ainsi que la discographie. Alors voici ce qu'il m'a répondu. Bien, en fait, on a commencé par un démo. Le projet s'est formé autour d'un démo à l'époque, oui, non, peut-être, qui a perdu son sens aujourd'hui. Et, on a fait 500 copies, puis c'est discontinué. Fait qu'on a célébré cette époque-là. Quoique, on commençait déjà à faire un peu de reggae, mais c'était plus rare. Après ça, on a continué avec le bouclier. Là, on a commencé plus à faire de l'exploration au niveau des styles. La musique en des Andes qui est rentrée avec le charango à Greg, une genre de petite guitare de Bolivie, là, de Discord. Puis à la flûte, puis le reggae, puis la musique du Sud a venu nous contaminer. Puis là, tranquillement, le rock, puis l'anglophone est disparu quand on est arrivé avec l'album éponyme qu'on a lancé l'été passé. Il s'appelle Valsalva. Puis là-dessus, il y a 12 pièces qui sont en français et en espagnol. Complètement un album qui se danse. Et d'ailleurs, on tend vers la musique qui se danse. Avec notre spectacle ce soir, je me mettrais au défi quelqu'un de nous trouver quelque chose qui se dansait pas. C'est ça qu'on aime, c'est voir les gens danser puis s'éclater. C'est un peu notre mandat, tout en ayant un langage puis un discours engagé. Puis des fois, ça passe mieux, dire les quatre vérités à la population. Des fois, quand sur une musique festive puis joviale, c'est juste ceux qui écoutent qui vont pouvoir capter le message. Et suite à cette réponse, je lui ai également demandé de nous décrire un peu le public. J'aime pas vraiment l'expression, mais le public cible de Valsalva, en fait, quel genre de partisans ils ont dans leur spectacle et qui les suit depuis le tout début. Donc, voici ce qu'il m'a répondu. Le public cible, OK, je te dirais que c'est surtout des gens qui aiment premièrement la musique locale, qui aiment la musique originale, du monde qui a le goût de danser, qui ont le goût d'oublier des fois le froid quand c'est l'hiver, puis des fois qui ont le goût de se plonger dans l'été quand c'est le printemps. Et donc, je crois que la meilleure façon de voir si vous êtes peut-être le public cible de Valsalva, ça va être de vous faire écouter une pièce dans quelques instants. Avant, je veux simplement vous mentionner un peu, en fait, comme il mentionnait pour la discographie, ils ont fait un premier démo indépendant du nom du Bouclier, le Bouclier en 2004, qui comprenait une quinzaine de pièces, et leur plus récent album paru en 2008, il s'agit de leur album éponyme avec 12 pièces, un mélange d'espagnol et de français, et la pièce qu'on va entendre s'appelle Madre Tierra, j'espère que je le prononce bien, donc on entend ça tout de suite sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Soy la madre tierra, la planeta entera, hacemos que grito, cuidando un poquito. Soy la madre tierra, yo nací perfecta, hacemos que grito, cuidado, cuidado. La selva me dejó, que era un cementerio, de lo que eran árboles y pulmones hasta que llegaron los hombres. La selva me dejó, que era un cementerio, de lo que eran árboles y pulmones hasta que llegaron los hombres. La madre tierra, la sola y única, les damos necesito, más tiempo, soy la madre tierra, una mano abierta, hacemos que grito, déjenme más tiempo, el agua me dejó, gran cementerio, lo que fuera un paraíso de peces y principio de la vida. El agua me dejó, que era un cementerio, lo que fuera un paraíso de peces y principio de la vida. El ser humano juega al conquistador, nunca piensa. Ayuda, ayuda a tu mamá. Oh, chinga, chinga, chinga la tierra. Chinga, chinga, chinga tu mamá. Soy la madre tierra, la madre de cada mamá. Es mi grito de alarma, el tiempo me hace falta. Soy la madre tierra, completamente enferma, no me queda más tiempo, por fin les explico. Cuando el sol me quemó, quemó, vimos una luz, fuego, fuego. Él no pidió permiso, fue una gran explosión. Cuando el sol me quemó, quemó, vimos una luz, fuego, fuego. Nunca ningún humano pudo decirse adiós. Thank you. c'était la formation Valsalva avec la pièce Madre Tierra. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez les rejoindre sur le www.valsalva.net et également sur leur profil MySpace, soit le myspace.com/Valsalva Québec, sans accent, encore une fois. Et donc, c'est ça, c'est ce qui complète cette petite découverte musicale qui nous donne le goût de l'été. Qu'on se le dit, ça nous donne le goût de l'été, ça nous donne le goût d'être dehors au soleil. Et on va se quitter pour une courte pause parce que oui, dans l'édition estivale de Chérie Mécoutu, il va y avoir quand même des pauses. Et au retour, on va entendre les formations de Franco Rock, Major Bidet, Geneviève et Mathieu et Malajube sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. C'était Malajube avec la pièce Portée disparue de leur plus récent album du nom de Labyrinthe. Tout juste avant, c'était le couple de Rouyn-Noranda, Geneviève et Mathieu, avec la pièce Chongming de leur deuxième album Crions notre joie, album qui est paru en 2001. Et cette formation, ou plutôt ce duo, qui fait de la musique éclectique. En fait, là, leurs pièces, comme sur cet album-là, il y a 16 pièces, ça ne ressemble pas... Elles ne ressemblent pas toutes à Chongming, mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est que cette chanson, elle veut absolument rien dire, mais je trouve que musicalement, c'est très enjoué. C'est vraiment une belle pièce, puis c'est vraiment un duo à découvrir si vous ne connaissez pas Geneviève et Mathieu. Et au début de ce bloc, nous avions la formation Major Bidet avec la pièce Couple stérile et assorti de leur album La vie qui fit avec la tapisserie. Et Major Bidet qui roule maintenant sous le nom de Major tout court, et ils seront en spectacle le 21 avril au Divan Orange de Montréal, pour ceux que ça intéresse. Donc sur ce, l'émission va s'achever très bientôt. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de Chérie M'écoute-tu. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les pièces qui ont passé à l'émission sur le profil MySpace Chérie M'écoute-tu, soit le www.myspace.com/c'est fou chérie. Et également, sur cette même adresse, dans la section blog, vous avez à la fois les listes des pièces qui ont joué, mais aussi les balados de diffusion qui sont disponibles. Et la semaine prochaine, je vous présenterai à nouveau un mélange de musique diversifié avec, qui sait, plusieurs autres nouveautés. Et restez à l'écoute, car ce soir, après l'émission, pour la programmation estivale, maintenant, c'est La Belle et le Mieux qui va suivre Chérie M'écoute-tu tout l'été. Et il s'agit en fait d'une émission de rock indépendant francophone. Donc, vous pouvez découvrir ça maintenant les lundis dès 19h jusqu'à 20h. Et c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vais vous laisser avec deux formations d'indie rock électro suédois avec deux pièces assez dansantes pour la belle journée qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de la formation The Knife et ensuite de la formation Lo-Fi FNK. Donc on écoute ça sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. same, like bars and clubs with different names. 24 hour roses stores for the kids hang out just like before. This is the place that we are sure could have Paris, London or Tokyo. Boy, it's great to be back home, the city that's where we belong. The city that's where we belong. Boy, it's great to be back home, the city that's where we belong. The city that's where we belong. We need excitement for a change, but it doesn't mean that we will stay. Beginning feels like all so great, but soon it turns to just okay. See, I know this place for much too long, and you always want to be moving on. But still it's great to be back home, the city that's where we belong. We'll be right back.